peut-être de m'expliquer pour qui, pourquoi. Donne-moi la cause, dis quelque chose. Est-ce pour un autre, est-ce un ami à moi? Si tu ne m'aimes plus, non, non.